tension, tension. Comment rentrer ces grilles? Comment rentrer ces grilles? Sur paillasson, c'est pas tapis volant. Même pour un panier, mauvais piquant. Tu croyais t'envoler, ton désir est pris de voler. Ta technologie de pointe reste à la fin. Il voulait te charmer. Il n'avait que chaffé. Comment rentrer? Comment rentrer? C'est gris. Comment rentrer? Répondre par des coups de griffe, à l'autre de demander comment rentrer tes griffes. T'es allé voir un match, tu lui as expliqué tes pas sur son visage et il t'a transformé. À boire des caresses, répondre par des coups de griffe, à l'autre de demander comment rentrer tes griffes. À boire des caresses, répondre par des coups de griffe, à l'autre de demander comment rentrer tes griffes. Comment rentrer ces griffes?